Peux-tu vous donner un exemple de Real American? Drew Brees. Non, hier, c'était vraiment le fun à regarder, là. Péter le record. C'était, on dirait que c'était quasiment scripted, là, le touchdown. Le gars était tout seul. Puis la drive d'après, Meredith, il l'échappe. Donner un touchdown en retour aux Skins. C'était un petit peu bizarre. Mais Drew Brees, grand cool à regarder. C'est mon joueur préféré depuis plusieurs années, là. C'était le fun qu'il y a eu sa soirée hier. Et que les Saints aient battu les Redskins. Ils disaient, les Vince, c'est comme ça. Saints sont 4-1. Là, ça va bien. Les Bags sont 3-2. Là, ça va bien aussi. Une autre bonne fin de semaine. Oui, c'était cool. Mais pas pour tout le monde. Et c'est là que le recap arrive. Ouais, on voit un peu l'état des forces qui commence à... Parce que là, on a presque la moitié de fête de la saison. Et on voit les équipes qui... Ceux qui vont faire un push pour les playoffs et pour le championship. On voit les équipes qui se battent pour une place en série. Puis on voit les équipes qui vont vraiment pas être en mesure de faire les séries. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Là, des blessures, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Là, qui vont arriver. Mais ça commence un petit peu à se dessiner tranquillement, pas vite, là. C'est, by the way, félicitations, Argent Votanik, 10$ cette semaine, deuxième fois. Donc, ouais, la date, c'est moi deux fois, Argent Votanik deux fois, puis Simon Actil une fois, Sophisticated Sex Robot, pour le 10$. Oh, ouais, là, t'y réponds pas, il était supposé... T'es supposé parler, mais RIP, anyway. Il se serait juste vanté. Parce que Connor, lui, ça ne sera pas de même toute l'année. Là. On le sait, Bell va revenir. Fait que ça, c'est pour les match-ups de Week 5, le recap. Premier match-up, on va... Oshlaga Junkies ont Flying Pelicans. Bataille de division. Pelicans qui essaye de survivre avec son roster de marde. Et les Junkies essaient de revenir dans la course aux séries. Victoire des Junkies, 81-73. Low scoring. C'est deux équipes qui vont moyennement bien en ce moment. Là, mais victoire qui aide beaucoup Vince, c'est les Junkies. Le Sean Watson qui est constant. Gurley qui est constant. Mais à part ça, le reste des Pelicans n'a rien qu'à lisser. Personne en haut de 7.1 points. À part ces deux joueurs-là. Ouais. Le Mike Evans est en bail, on s'entend, mais... Cette équipe-là a des problèmes. Je pense pas qu'il ait changé. Ben, c'est pas un bon package pour Gurley, ok, mais c'est lui qui traîne l'équipe en ce moment. Il a fait 31 points. Le reste de l'équipe peut juste amener le total à 73. Donc, des problèmes pour les Pelicans. Ben, mon cousin, il est pas aussi impliqué que d'autres personnes. Il ramasse pas autant de free agents, de joueurs qui pourraient potentiellement être bons. C'est ça qui arrive. Quand tu prêtes moins attention, quand tu investis moins de temps là-dedans, le reste, t'as pas de profondeur. Ton line-up, t'as des stars que t'as drafté, oui, mais le reste, des fois, c'est difficile. Les Junkies, Michael Thomas, correct. Keelan Allen, correct. Kenny Galladay, une autre bonne semaine. À part ça, Hyde, Peterson, Cook, des semaines assez ordinaires. Et Andrew Luck, qui est le garbage time sur Thursday night. Donc, victoire des Junkies qui grimpe, ben qui reste en. Non, qui grimpe au 4e place dans la division. Qui se rapproche à. Qui est à. Quand même à 35 points de Sophisticated Sex Robot, à 2-3 aussi. Pelicans qui tombe à 3-2 et qui chute 2e dans la division. Et qui essaie de. Qui s'accroche pour rester relevant. Autre match-up, là, c'est pas gros contre Hey Le Gros. Hey Le Gros qui n'échappe une troisième en ligne, 125-95. Pas une mauvaise semaine, 95, mais. Si tu veux. Pour moi, le cut-off, c'est 100. 100 c'est en haut de 100 et plus, tu mérites une victoire. 100 et moins, tu peux pas chialer si tu perds. Tu sais. Ben, 99 et moins, dans le fond. Donc, Drew Brees qui a eu toute une performance, 27 points hier, comme je l'ai parlé, là, assez spectaculaire. Joe Mixon qui a bien fait, 19. Saquon avec 27, très bon. AJ Green, 14, ça se prend bien. Cooks, 0 avec la commotion, des choses qui arrivent. Vance McDonald, un désastre, 1 point. Et Latavius Murray, 6.6. Très moyen. Et l'autre bord, regarde, Matt Ryan, pas très bon, mais Mark Ingram, 20 points, 2 touchdowns dans son retour. James White, 18 points, un autre touchdown. Robert Woods, 17 points, qui a bénéficié des blessures à Kupp et à Brandon Cooks. Stephon Diggs, 16 points, très constant. Eric Ebron qui a profité de l'absence de Jack Doyle, puis T.Y. Hilton, puis du Garbage Time, pour faire 27 points. Ouais, ça, c'est pour un tight end, c'est assez monstrueux, là. Et Emmanuel Sanders, 11-12 points, très serviceable comme flex. Donc là, c'est pas gros. 4-1, sans Bell. C'est pas encore exactement ce qui va arriver avec Lev Bell, mais ils sont bien partis pour aller chercher la division. On va voir, là. Mais à date, ça s'aligne bien. Ça. Mais ils ont du monde qui colle dans le cul. Mais comme je dis, là, c'est pas gros. Bonne position. Et le gros, troisième défaite en ligne, comme j'ai dit. Faut recommencer à gagner bientôt là, parce que Xav va pas perdre pendant faut pas perdre chaque match-up là, c'est une équipe trop bonne pour ça. Ça qui arrive, t'as pas de profondeur, on lui a dit avant pendant le draft, ah, fuck you, faire des trades, ben gars, c'est ça qui arrive. Là, tu viens d'en perdre 3 en ligne, t'es 2-3. Donc c'est ça. Troisième match-up, moi, Laval D-Back, son pari El Potato, victoire de 100 à 87. Pas de mauvaise semaine, mon cousin, mais 87, tu peux pas t'attendre à gagner avec ce pointage-là. Derek Carr m'a chié d'en face. Zeke Elliott, 12 points, c'est pas mal son floor. McCaffrey, 18 points avec le touchdown, c'est apprécié. Edelman, 9 points, Thursday night, ça va. Beckham qui a explosé avec 27 points, ça j'aime ça. Reed qui m'a chié dans les mains aussi avec 2 points le Monday night. Et Cooper Kupp qui a fait 18 points en une demi. Je commence à penser que t'es un monstre, Cooper Kupp. Ouais. Donc, Tom Brady, 27 points, très bonne semaine. David Johnson, 20 points, excellente semaine à cause des deux touchdowns. Kareem Hunt, 15 points, 16 points avec le touchdown. Jeffrey, 5 points, vraiment pas beaucoup. Juju, 11 points, mais ça c'est à cause du touchdown. Pas une bonne semaine tant que ça non plus. Rudolph, 6 points, c'est moyen. Et Baldwin, 0.6 points. Ça c'est désastreux. Donc, je regarde l'équipe à mon cousin. Les running backs, ça va. Faut qu'il y ait un touchdown, mais ça va. Les receivers, c'est point d'interrogation souvent. C'est Jeffrey, Baldwin, Watkins, Marvin Jones, c'est tous des gars qui leur font un touchdown pour vraiment être des game changers. Sinon, il va. Tu sais, Juju, il a une bonne année, lui, ça va, là. Mais c'est pas un top 5. Puis, ouais, les autres, l'équipe, c'est pas une équipe désastreuse, mais c'est une équipe qui... Je serais pas excité d'en être le propriétaire, mettons. Puis moi, je vais pas parler de mon équipe beaucoup, là, mais j'en suis content avec le trade que j'ai pour Beckham. Là. Si je peux starter Beckham, Hilton, Kupp, Elliott, puis McCaffrey, je pense que je suis en business. Mon objectif, c'est d'aller chercher le first round buy dans ma division. Autre match-up, Mofo qui... Cock block, sophisticated sex robot. On pensait que tout allait revenir. Il perdait seulement par 15 points avec Camara. Mais finalement, Mofo l'emporte 91-81. Ouais. Écoute, Mofo qui survit encore. Là, notamment grâce à Aaron Rodgers, Zach Ertz et Tyler Lockett. 28, 22 et 18 points respectivement. Parce qu'après ça, Julio Jones, 8 points, c'est moyen. Golden Tate, 7 points, c'est moyen. Ajayi, 2 points. Puis là, on vient d'apprendre qu'il a tort son ACL. Fait que il est out pour l'année. Ça, c'est pas bon. Moi, j'en ai une 5 points. Ça, c'est à cause du game script. Ça a pas bien fonctionné. Mais quand même, 90 points pour Mofo. Regarde au bord. Rivers, 21 points, c'est bon. Mais Kamara, 5 points. C'est ça qui arrive en titre, hein. T'avais dit, Ingram va revenir. Ok, Kamara va être correct pour le reste de l'année. C'est pas ça que je dis, là. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Même l'année passée, il n'y avait pas du 5 points. Là. D'habitude, Cameron va faire un minimum 10-15 points. Là, pas été chanceux, chose qui arrive. Royce Freeman, 6 points. Moi, j'abandonne ce running back-là. 5 carries, c'est pas assez pour moi. Devante Adams, 25 points. Garbage time, ça a été utile. Tyler Boyd, 6 points, pas très bon. Gronk, 10 points, ça va, mais ça va pas aussi bien que M. Anctil l'espérait. Je pense à Aaron Jones, 7 points. Green Bay, c'est un comité. Moi, j'ai de la misère avec les comités. Ouais. Je regarde ces deux équipes-là. Mofo, écoute, j'ai l'impression d'être un hater chaque semaine, mais cette équipe-là va rentrer dans un mur un moment donné. Puis j'ose espérer que le mur, c'est moi cette semaine. Mais quatre victoires accumulées, c'est important. Ça va rendre la course aux séries intéressante pour cette division-là. Donc, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais là, avec la blessure à Jaï, en plus, j'ai la misère à voir cette équipe-là continuer de gagner de façon constante. Et l'autre bord, ils sont actifs. Une autre équipe que je pense qui est sur le déclin, là. Kamara va avoir un moins gros rôle avec les Saints. Adam, c'est bon. Gronk, je m'attends à ce qu'il s'améliore un petit peu. Mais le reste, c'est qu'il n'y a plus là. Freeman, Boyd, Jones, c'est de la merde. Donc, c'est pas une équipe très dangereuse. Qui va remporter des matchs grâce à son trio de joueurs, là. C'est trois first round picks. C'est trois first picks dans le draft qui vont traîner cette équipe-là jusqu'au bout. Puis Rivers qui est solide aussi, mais c'est un QB. Puis, ouais. Une équipe qui va continuer à être relevant, mais pour la difficulté. Là. C'est qui reste? J'ai couvert lui. Donc je pense qu'il reste juste Sinners et Argent et Vote Ethnique. Argent Vote Ethnique va chercher 10$, qui l'emporte 135 à 100. Bonne semaine. Xav qui était malchanceux, qui fait 100 points et qui l'échappe encore. Xav cette semaine aurait battu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xav aurait battu 6 personnes dans la ligue cette semaine, donc vraiment chance. Et Sinners qui tombe, malgré une bonne équipe, qui tombe à 1-4. Mahomes 15 points, ça c'est son moins bon de la saison. Gordon 20 points, c'est un bon. Carry-on 10 points. C'est pas lui qui a des goal line touches, fait que ça va mal. Antonio Brown 25 finalement. Landry 9 points, c'est ordinaire. Kittle 10 points, c'est bon. Chris Thompson 9 points qui s'est blessé après à New Orleans, c'est moyen. Gallo Ball Roethlisberger 21 points, c'est bon. Naheem Hines 12 points et demi, ça va. Sonny Michel 17 points, c'est bon. Hopkins 17 points, c'est bon. Thielen 21 points, qui n'arrête pas. Kelsey 12 points, c'est bon. James Conner 32 points, c'est ça qui a fait la différence. Marjan Vot Ethnique qui sont bons en ce moment, mais là, Conner, ça pourrait être sa dernière semaine comme starter à Pittsburgh la semaine prochaine. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais Hopkins, Kelsey, Thielen, c'est bon. Puis honnêtement, Sonny Michel à New England qui semble avoir beaucoup de carries. Donc, c'est une bonne équipe. C'est juste que le Connor devrait s'en aller bientôt. C'est ça, là. On va voir. Puis les Sinners, comme je dis, Brown, Landry, c'est bon. Gordon, Carry On, c'est bon. Mais là, Cook devrait revenir. J'ai encore confiance à cette équipe-là, mais à 1-4, ça commence à être difficile. Faut commencer à gagner parce que sinon les playoffs vont tranquillement glisser hors de portée. Là. Ouais. Donc justement, là-dessus, en parlant des équipes, là, c'est l'heure du Weekly Power Ranking. Numéro 10. J'avais dit de s'habituer et c'est encore la même équipe depuis combien de semaines, mon Dieu? Un Money Junkies a brisé la séquence. Mais là, c'est la troisième semaine consécutive pour parier le potato à numéro 10. Écoute, les running backs sont bons, mais avec upside limité. Les wide receivers sont ordinaires, le tight end est ordinaire, le QB ça va. C'est juste une équipe qui m'excite pas beaucoup. Et c'est, regarde, c'est numéro 10, puis ils sont 1-4, puis c'est de loin l'équipe avec le moins point pour dans la ligue. J'ai pas d'autres justifications à donner, je crois. Numéro 9, Sophisticated Sex Robot. Comme je dis tantôt, un bon trio, mais là, Kamara, son upside vient de prendre un coup avec le retour d'Ingram. Donc, Gronk a de la misère, Davante Adams qui va bien. Mais, puis t'as ces trois joueurs-là, puis le reste de cette équipe-là, c'est vraiment de la grosse marde. Fait que ça m'étonnerait pas qu'il y ait des trades qui se fassent cette semaine, là, surtout concernant cette équipe-là, Hell Potato aussi, même la 8e équipe dans mon ranking, Refining Pelicans, qui parlait de trader Gurley hier, eux autres aussi vont sûrement faire des trades cette semaine. Cette équipe-là, Gurley, Evans, un Devonta Freeman à moitié à l'infirmerie, puis c'est pas mal ça. Ouais, Deshaun Watson. C'est ça. Donc, commencer 3-0, un petit peu de luck. Et là, ces trois games-là vont être importantes s'il veut faire les séries parce que ça pend descendante en maudit. Là. Comme je dis, c'est ça. Il y a des équipes sur la pente descendante, là. Les quatre, les positions 7 à 10, c'est des équipes que je vois glisser tranquillement. Peut-être même 6 à 10. Mais numéro 7, c'est Hey le Gros, mon oncle. Comme je dis, on y a dit, ton équipe n'a pas de profondeur. Il vient d'en échapper 3 en ligne. J'aime avoir Joe Mixon, Saquon et AJ Green. C'est bon comme core. C'est juste que. Puis même Brandon Cooks, c'est bon. C'est juste que le reste, moi, c'est moyen, là. Drew Brees aussi. Mais dès que les bails rentrent, cette équipe-là n'a plus rien, là. C'est Latavius Murray, Vance McDonald, DeSean Jackson, Taylor Gabriel, Matt Breida, qui est toujours blessé. Non, non, non, non, non. Moi, c'est pour ça que j'ai mis à 7. Il y a des bons. Je dis toujours de ça depuis avec mon oncle, depuis le début, là. Des bons starters, mais c'est tout. Numéro 6, encore du disrespect pour Mofo, j'imagine. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire le preview du match-up la semaine prochaine. Là. Cette équipe-là, c'est pas beau, là. C'est pas des starters très excitants. Il y a des Zach Ertz, c'est le fun. Julio, c'est le fun. Puis à part ça, genre. Tu sais, son 4-1, là. Son 4-1, puis pas un chanceux 4-1. Beaucoup de points, même cette semaine, c'est un peu chanceux, mais beaucoup de points pour pareil, au faux, là, tu sais. C'est juste que, à part. Puis Aaron Rodgers, ouais, j'oublie toujours les QB un petit peu parce que c'est moins important pour moi. Mais ouais, Aaron Rodgers aussi. T'sais, je regarde Mofo, 525 points contre, c'est à 15 points du plus haut dans la ligue, là. C'est 20 points de plus que j'ai fait, moi. Donc, tu sais, no disrespect, mais cette équipe-là, surtout avec la blessure d'Ajayi, j'y vois rentrer dans un mur pour commencer une petite séquence de défaites dans pas long. Mais là, 4 victoires d'accumulé, Romain. Tu sais, fais juste rider ça, juste qu'est-ce que ça arrête. Puis si ça arrête pas, ben, écoute, tant mieux. Moi, ma prédiction, c'est que ça va arrêter. Sooner or later, là, mais moi je te mets 6e. C'est un droit de pas être d'accord, je comprends, mais je pense pas que c'est du hate. 5e, puis Hochelaga Junkies, qui tout d'un coup après, qui a fait plusieurs échanges, mais en bout de ligne, c'est pas une mauvaise équipe, là, je veux dire. Ils vont peut-être perdre la semaine prochaine, là, mais. T'sais, Michael Thomas, Keenan Allen, puis Kenny Golladay, c'est trois bons receivers. C'est juste que les running backs, c'est Peterson, Hyde, puis Howard. J'aime. Puis Shady McCoy, j'aime pas vraiment. Mais si McCoy peut redevenir constant, parce qu'il a quand même 12 points cette année passée, puis Howard est quand même constant aussi, ben ça peut être une équipe qui peut aller chercher des wins. T'sais, contre plusieurs adversaires assez tough, là. Fait que moi, Junkie, j'ai mis à 5. Ils sont 2-3. Ils cherchent à se battre pour une place en playoff. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça. Junkies numéro 5. Numéro 4, les Sinners. Oui, ils sont un 4. Je sais. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je comprendrais. Mais quand une équipe a Melvin Gordon puis Antonio Brown, j'ai la misère à les mettre en dehors du top 5. Puis Landry, puis Dalvin Cook, slash Kerryon Johnson, c'est des bons deuxième wide receiver 2, puis running back 2. Palmer Holmes, QB, c'est très bon, comme on sait. Chris Thompson, ou Kerryon dans le flex, c'est decent. Puis George Kittle, la tight end, c'est decent. Mais cette équipe-là, l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas d'énormes défauts. Donc j'ai de la misère à kicker les Sinners en dehors du top 5, malgré une fiche de 1-4. Mais tu sais, tu regardes les points pour, ils ont plus de points pour que Hey le Gros, ils ont plus de points pour que Paris le Potato, plus que Hochelaga Junkies, plus que Flying Pelicans qui sont 3-2. Donc, c'est ça la bad luck, et ils sont troisième dans les points contre. Fait que, t'sais, Sinners, pas, je dis pas qu'ils devraient être premiers dans la division, je dis même pas qu'ils devraient avoir peut-être même pas un winning record, peut-être, mais au moins 2 victoires. C'est pas une équipe de 1-4, contrairement à celle de mon à l'équipe de mon petit cousin là. Donc je mets quand même les Sinners à 4e. 3e, je mets Argent et Votechnique. Une autre bonne semaine. Très solide. Hopkins puis Thielen, c'est un très bon duo de wide receiver. Maintenant, il faut rider Connor pendant au moins une autre semaine avant son bye. Ça, c'est bon. Sonny Michel semble être constant à New England, même que. Sauf qu'ils vont pas pogner des Dolphins ou des Colts à chaque semaine, les Pats, donc on va voir ce que ça va donner. Mais Sonny Michel devrait avoir un bon rôle d'ici la fin de l'année. Mais Travis Kelce, c'est un Elite tight end. C'est tight end 1, je pense, cette année. Donc, c'est une équipe avec pas beaucoup de défauts. Peut-être la position de running back est peut-être un pas excellente, mais même avec Yeldon Ayer, non, c'est une bonne équipe. Puis j'ai mis numéro 3. Numéro 2, je me mets mon équipe, les D-Bags. McCaffrey, Elliott, Beckham, puis Hilton. J'aime beaucoup mon core. Tight end, j'alterne entre Graham puis Reed, je pense que ça va, puis je stream le quarterback, c'est peut-être pas ma force, mais ça me dérange pas, là ça m'a chier dans les mains la semaine passée, mais je suis convaincu que dans les prochaines semaines, j'ai déjà planifié mes match-ups, puis ça devrait bien aller. J'aime avoir Cooper Kupp aussi. Je suis 3-2, c'est ma troisième victoire consécutive, j'ai commencé 0-2, puis là je suis rendu premier dans la division. Très content de ce qui arrive, puis c'est ça, je mets deuxième. Et premier, je mets Los Pogo, tabarnak, toujours les hosties de Pogo, mais là, James White fait la job, Lev Bell va peut-être revenir, Mark Ingram, Stephon Diggs, Tyreek Hill, Robert Woods, Eric Ebron, Emmanuel Sanders, c'est un line-up avec Leonard Fournette, mais là, qui devrait être blessé pour un bout, mais c'est un line-up avec beaucoup de talent et beaucoup de profondeur. Donc, Pogo, c'est à numéro 1. Allô? Oh, ça va bien? Ouais. Encore dans le podcast? Ou... Ouais. Ok, c'est good. Salut, salut tout le monde. Ah, personne veut t'entendre. Non, c'est bon. T'es rendu où? Ben, je ne fais Power Ranking et j'avais preview les match-ups de la semaine prochaine. Ok, tu peux me le dire parce que ouais, le réseau pogne pas vraiment en forêt, mais bon. Pourquoi t'es en forêt? T'as ton chalet? Ouais, je suis allé faire un tour à mon chalet, là. Il n'y a pas de trafic, puis c'est le temps des feuilles. Ah, le temps des feuilles. Mais là, j'ai 1% de batterie, fait que ça se peut que ça coupe à un moment donné. Ok, ben gars, on va plus vivre ton match-up, puis je vais te laisser aller, ok? Non, on va pas, ça coupera, là. Qu'est-ce que je te dis? C'est juste parce que j'ai pas rechargé mon sel, je pensais pas faire partie de ce podcast. Ok, bon. Là, c'est Sophisticated Sex Robot contre Argent et Votre Ethnique. Semaine prochaine, c'est toutes des games interdivision, donc ça, c'est la première qu'on preview. Ben, j'avais dit que ça va être sûr sans Camara, même s'il n'a pas fait grand-chose cette semaine. Camara est en bail pour Sophisticated Sex Robot. Le reste de son équipe, c'est pas du gros calibre. Non, ben c'est ça que j'ai dit tantôt. Là. Rivers contre Roethlisberger, c'est égal. Mais t'as Connor puis Michel contre Drake puis Freeman, ça, c'est même pas proche. Ok, il a pris Drake. Il prend évidemment. À date, il a l'air de mettre Kenyon Drake. Puis là, t'as Vante Adams et Tyler Boyd contre Hopkins puis Thielen, ça non plus, c'est même pas proche. Kelce contre Gronk, on va dire que c'est égal. Puis Aaron Jones contre TJ Yeldon, j'ai mis TJ Yeldon. Fait que ça devrait être une varlope, là, honnêtement. Là. Un peu comme cette semaine. Non, pour vrai, cette semaine, Zab, c'était bien battu. Là. Je veux pas. C'est juste parce que mon équipe, c'est une semaine pour qu'elle fasse des points. Mais c'est parce que Connor a fait 32 points. Ah non, mais oui, il faut contre Atlanta aussi. Là. On va ça. Les matchs, peut-être, ils étaient pas favorables à Zab. Ouais. Fait que, ouais, là. C'est quand même 100 points, je veux quand même dire bravo, mais ouais, pour la semaine prochaine, Anctil, tension, parce que. Ouais, non, je pense qu'Anctil va manger une tabarnak la semaine prochaine. Je regarde ça, pis ça devrait même pas être. Pas parler serré. Trop vite, là, mais. Non, je sais, là, il y a des blessures qui peuvent arriver, n'importe quoi, mais. Je veux dire, j'ai aucune confiance en son line-up, hein. Surtout sans Camara, là. Oublie ça. Ça va être dur. Paris et le Potato contre le Gros, tout un match-up bien excitant. Un match-up de fond de classement qu'on appelle. Ouais, pour le. Là, je regarde le duel Brady contre Kansas City contre Cousins Arizona, j'aime mieux Brady. Kareem Hunt puis David Johnson contre Mixon puis Barkley. J'aime mieux Mixon puis Barkley. Ouais, Jeffrey puis Juju contre DeSean Jackson puis Brandon Cooks. Pourquoi il met pas AJ Green? Il est où AJ Green? Ah, il l'a mis dans le flex, ok. Bon, on va dire que DeSean Jackson, c'est le flex d'abord. Brandon Cooks puis AJ Green contre Juju puis Jeffrey. J'aime mieux Cooks puis Green. Rudolph contre Burton, c'est la même affaire. Puis Doug Baldwin contre DeSean Jackson. Mieux Doug Baldwin, mais je m'en calisse un petit peu. Un jeune avantage à DD, Ouais, un je petit pense, avec le match-up avantage. que tu viens de me dire, un petit avantage à DD, mais Ouais. c'est vraiment une série, mais avantage DD là-dessus. Ouais, je pense que c'est l'avantage Ça y ferait du d'aider. bien une win, là, parce que dans notre division, si tu gagnes pas une fois sur deux, tu risques de pas faire les playoffs Ben, DD. Fait ces deux teams-là, que, ça mieux de leur ferait gagner du. cette semaine, là. Pour vrai, c'est un free win, là. Ça passe ou ça casse, parce que là, Ouais, ces deux si tu teams-là, perds ça contre leur ferait Paris à du le bien. potato, ça va mal. Ouais, ben, comme je te dis, ces deux teams-là, ils sont dus pour une win. Il y en a une des deux que. C'est que perdant de ce match-up-là, il est dans la marde, là. Ouais, ça va presser, là, les victoires. Laval des Bags contre Mofo. Fait des semaines que je prédis que l'équipe de Romain va rentrer dans un mur, là. Je pense que cette semaine, c'est là que ça arrive. Gagné hier, là, mais. Winston contre Rogers. Donner l'avantage à Rogers, Chris, c'est sûr, là. Mais Zeke puis McCaffrey contre Marshawn Lynch puis Chris Carson. Je pense pas que c'est très très serré. Ouais, non. T.Y. Hilton puis Odell Beckham contre Julio Jones puis Tyler Lockett. J'aime mieux Hilton puis Beckham, mais. Ah, Hilton moi, de. Lockett joue une méga game, là, mais. Ouais, mais il peut pas faire ça chaque semaine. Mais je sais pas si Hilton va jouer encore. On va former l'affaire pour Cooper Kupp. Je vais checker. Zach Ertz contre Jordan Reed, avantage Ertz. Puis genre Funchess contre Kupp, avantage Kupp. Écoute, moi je pense que je vais gagner, là, mais ça dépend de mes blessures. Là, mais je Et pense. Mofo, on dit à chaque semaine, genre, Ouais, je sais. ça va être proche, mais il va perdre, puis finalement, il nous surprend toujours. Non, il y a une Puis meilleure moi, j'attends fiche. tout le temps. Il y a une meilleure fiche que C'est moi, puis il y a des. plus de points pour. Ah non, c'est. Ouais, c'est ça. On dit qu'il va être faible, mais il nous surprend. Là, ça, vous lui donnez ça. Là, à 4-1, on peut pas y parler contre. Non, c'est ça. Avant-dernier match-up, Flying Pelicans contre Los Pogos. Ouais. DeSean Watson contre Matt Ryan. C'est à peu près égal parce que Ryan joue contre les Bucks. Il joue contre qui, Watson? Les Bills. Vont peut-être courir après la deuxième demi, mais bon, Ouais. les Bills, ouais. C'est triste. Todd Gurley puis Alex Collins. Todd Gurley puis Devonta Freeman, dans le fond, contre Miller puis James White. J'aime mieux Gurley puis Freeman. Mike Evans puis Amari Cooper contre Tyreek Hill puis Stephon Diggs. J'aime mieux Tyreek Hill puis Stephon Diggs. Ouais, Et ça c'est, ouais. C'est no-brainer, là. Evan Ingram contre Eric Ebron. Je pense que c'est similaire. Peut-être avantage Ebron un petit peu. Puis Alex Collins contre Robert Woods en flex. J'aime mieux Robert Woods. Donc mon lot devrait gagner encore, mais pense pas que Ebron, c'est ça va fait. dépendre des blessés aussi, là. Ouais. Parce qu'on a vu que Thursday Night, il a performé en tabarouette, justement parce que là que ça va trop passer le ballon. Non, c'est ça. Fait que je pense Marlowe devrait gagner, mais c'est pas dans la poche. Là. Je donne une chance à mon cousin. Là. On va voir. Là. Moi, c'est. Je peux. Je me dérange pas. Genre, si Marlowe perd, genre, je suis content. Mais si mon cousin perd dans ma division, fait que c'est bon aussi. Fait que peu importe, moi. Ça me dérange pas, mais je pense que Marlowe va gagner. Les derniers match-up, les deux bros, Junkies contre Sinners. Junkies avec Michael Thomas en bail. Donc là, c'est Andrew Luck contre Pat Mahomes. Un avantage à Mahomes, surtout à New England. McCoy puis Hyde contre Gordon puis Cook. C'est pas très serré non plus. Antonio Brown puis Jarvis Landry contre Keenan Allen, Corey Davis. Ça non plus, j'aime mieux Antonio Brown. Jared Cook contre George Kittle, c'est égal. Puis Jordan Howard contre Chris Thompson. Ouais, c'est plus Howard à la place de Hyde dans le fond, là. Donc, mettons Hyde contre Chris Thompson. J'aime mieux Carlos Hyde, mais je pense que Xav va aller chercher finalement sa deuxième victoire. Je peux pas Ouais, non, croire. c'est sûr que Michael Thomas en bail, ça va faire mal à Vince. Il y a pas de. C'est facile à voir, là. Il compte beaucoup là-dessus, là, Michael Thomas, depuis le début de la saison pour avoir des victoires, Vince. Ah, mais là, c'est. Ça Là, va il y être a ça. moins de. Là, avec. Les deux dernières games, il fait moins de. Moins, il est moins présent, là. Puis à Non, mais Kingram. ça reste un gros wide receiver qu'il n'y aura pas cette semaine, tandis que Malo, il y a pas mal toute son équipe à part Ingram. Là. Ben non, il y a Ingram, puis ben Bell, puis Fournette, puis sont blessés, là, mais. Ouais, non, non. Écoute, parce que Thomas, je l'avais l'an passé, là, puis normalement, il est pas dominant. Genre, il va faire 10-15 Xavier, y avait-tu points. quelqu'un en bail cette semaine? Non. Bon, c'est ça parce qu'il joue contre Xavier. Excuse-moi, j'y repasse. Ouais. Non, c'est ça, il Fait joue que s'il y a contre. personne en bail cette semaine, c'est ça. Ça enlève un gars à Vince, d'après moi, ça va lui faire mal. Ouais, d'après moi, Xavier va aller chercher sa deuxième victoire, peut-être resserrer un petit peu les affaires dans votre. Ouais, quand même serré, mais comme je te dis, là, Sandhamnus, d'après moi, disant qu'il pourrait l'avoir facile, là, cette semaine, il m'a pas trop inquiété. Là, il y a eu 100 points cette semaine. La semaine prochaine, ça devrait ressembler encore à ça. Non, ça, il va sûrement. Ça va sûrement resserrer votre division un petit peu, là. Puis. Déjà assez serré, là. Je Non, comprends tout le monde est bien non, c'est un peu plus bas, là, mais une bonne équipe. Puis d'après moi, les matchs à l'interdivision, Xavier va pouvoir aller les chercher facilement. J'ai pas. Non, J'ai c'est pas ça, mais peur faut pour qu'il ça. commence Il n'y à a pas de gagner. mauvaise équipe. On va regarder. Y a-tu l'oreille des Senneuses? On va prédire leur record. Senneuses, ok. Là, contre Junkies, c'est une victoire. Week 7 contre les Flying Pelicans, une autre victoire. Week 8 contre les Pariel Potato, une autre victoire. Contre Sophisticated Sex Robot, Week 9, peut-être une autre victoire. Fait que, pas. Après ça, week 11, mais là, on s'en va loin, là, mais contre Mofo, ça c'est. Écoute, il pourrait facilement gagner ses 5-6 prochaines, là, parce qu'il pogne Non, pas. c'est ça, je dis, là, il n'y a pas une mauvaise équipe. D'après moi, il s'en va dans la bonne direction. Les matchs en la division, Parce c'est que. triste, là, mais je Il y a. pense qu'il y a une division plus forte que l'autre. C'est ça parce qu'il. Ben ouais, on va voir. Pour le. Ben oui, là. Mais on va voir. Parce que les deux dernières semaines, il pogne pas toi ou Marlowe avant les deux dernières semaines de la saison. Je pense que je joue contre lui dernière semaine. Là. Je pense que Ouais. c'est la dernière semaine. Ça Bonjour. va être vraiment. Ça, c'est un gros match-up dernière semaine. Ben, tout dépend du classement, mais d'après moi, là, moi puis Dar, on va se tourner alentour de 2, 3, 4, là, ça va être là-dedans. Non, ça, vous jouez contre Parce que pour Week la division, 13. je vois Marlowe un peu plus haut. Je vois Marlowe un peu plus haut. Mofo, moi, puis Dav, d'après moi, ça va être 2, 3, 4. Là, puis ça va se battre là-dedans. C'est ça, fait qu'il joue contre Pogos Week 12 puis toi Week 13, mais avant ça, c'est pas mal toutes des cupcakes. Fait que il pourrait. Fait que on est Week quoi, là? Il pourrait gagner tous ses matchups jusqu'à Week 11. Fait qu'il pourrait gagner comme ses 6 prochaines. 1, 6, 7, 8, 9, Non, 10, 11. Il il pourrait gagner y a un ses. deux. Il y a un dur début de saison, mais là, ça devrait se replacer. Non, ça, il pourrait être 7-4 rendu Week 12. Ou tu sais, facilement. 6-5. Ouais, 6-5 ou. Ouais, d'après moi, il va être 6-5 rendu. Il va être dans la course au playoff, là. Puis là, Romain, il va avoir chuté un petit. Il va avoir chuté pas mal, je pense, là. Puis. Non, c'est ça. J'ai confiance à cette équipe-là, là. Fait que. En tout cas, Xav. Tout ça pour dire que Xav abandonne pas. Puis, c'est ça. Alright, ben, c'est pas mal Tu fini, fais ça là. ton power ranking? Ouais. Ok. Ouais, Bah, je l'écouterai tantôt, c'est bon. je suis rendu à 32 minutes, là, fait que c'est pas mal ça. C'est bon. Fait que, ben, moi, je vais te laisser. Fait que, passe une bonne soirée. Je suis qu'un chou à soir. Ah ouais, ça, on va Gorillaz. C'est good. Ok, fait Ouais, que on se c'est revoit, on good. s'en reparle le jeudi, genre. C'est bon. Ok, ciao.